est avec Raymond Poirier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Bonjour Raymond. Bonjour. Pour parler de numérique et de différents sujets comme ça, où j'apprends toujours plein de choses fort intéressantes que je ne connais pas bien. C'est mon petit plaisir, j'adore apprendre. Et cette semaine, en fait, j'ai l'impression depuis que je fais pratiquement la chronique, on revient toujours à chaque fois qu'on parle de données massives, de villes intelligentes, d'outils, applications et autres. On revient toujours à dire, oui, mais aussi, il y a des préoccupations pour la vie privée, des préoccupations pour l'éthique. Et on ne développe pas tant que ça au-delà de ces impressions générales. On y revient beaucoup. On y revient beaucoup. C'est nécessaire. Ouais. Même en fait, ça aurait été nécessaire qu'on en parle de manière plus détaillée il y a déjà quelques temps. Finalement, au Québec, il y a un premier gros document éthique en lien avec les villes intelligentes qui a été rendu public la semaine dernière. Alors, dans ce contexte-là, ça me semblait incontournable à tout le moins mentionner l'existence de ce document-là. Ouais. C'est la Commission de l'éthique en sciences et technologies qui s'intéresse depuis à peu près 2 ans aux villes intelligentes, qui mène donc une large réflexion sur les enjeux éthiques qui sont liés à ce nouveau paradigme-là, si on peut dire, et qui a rendu donc public cet avis-là, à peu près 128 pages. L'idée, c'est d'essayer d'offrir un cadre éthique, justement, pour orienter les actions qui seront entreprises par les municipalités, par les chercheurs et le reste, donc toujours en lien avec l'intégration de principes liés à la ville intelligente. Bon, évidemment, dans ce cas-là, on parle, je parlais de données massives, par exemple, donc c'est l'idée pour les villes de tenter des applications de prise de décision en temps réel en lien avec l'analyse et la collecte de données. On parle, par exemple, de déplacement en transit, on parle de déplacement en transport en commun et autres. On parle de données ouvertes, de l'idée de rendre disponibles des données qui sont colligées par l'administration publique pour que des citoyens et citoyennes puissent les réutiliser dans des nouveaux contextes, dans des nouvelles applications. On parle d'applications comme à Québec de cartes interactives du territoire, de paiement par téléphone cellulaire, téléphone intelligent du stationnement. On parle d'applications, par exemple, même à Brossard, là, qui regroupe un ensemble de services numérisés. On parle d'accès public, aussi sans fil, les bornes Zap et autres, qui est un peu partout à Québec et ailleurs. Alors, donc, c'est vraiment, en fait, la ville intelligente, l'espèce de terme parapluie qui définit l'intégration d'usage technologique, d'usage numérique, avec l'objectif d'améliorer les services à la population, de favoriser la gestion municipale et de favoriser le dialogue entre la population et les élus. Donc, c'est un peu le grand parapluie. Évidemment, dans ce contexte-là, comment on s'oriente sur le plan éthique? Et question d'orienter eux-mêmes leur réflexion, ils ont déterminé quatre grands principes. Donc, on pourrait détailler peut-être un peu d'ailleurs. Oui, parce que c'est quand même très large là, comme proposition. Exactement. En fait, ils ont formulé donc des grands principes qui ont détaillé en principes un peu plus précis. Et ensuite de ça, ils en sont arrivés avec une douzaine de recommandations. Okay. Donc, on va passer en revue rapidement les trois. C'est assez concret, là. C'est assez concret. Et je pense que l'objectif était visiblement d'être assez concret aussi, assez pratico-pratique là-dedans. Il faut être là aussi parce que évidemment, il faut que l'éthique suive la technologie. Exactement. Surtout qu'elle a su quand même un peu... on le dit depuis des années, je le disais en introduction, en fait, donc c'est bien qu'elle arrive, ça aurait pu arriver avant aussi, mais à un point, il faut effectivement se donner cette mise à jour-là et se donner ce cadre-là. Écoute, Raymond, ça fait certainement pas l'objet de ta chronique, mais je peux pas m'empêcher de penser à certaines petites municipalités reculées qui ont pas encore Internet haute vitesse, ou même des fois peut-être Internet moyenne vitesse. Alors, il va y avoir deux Québec, il va y avoir le Québec numérique technologique, et il va y avoir les petites municipalités. Bien, c'est un peu le cas, en fait. Même ici, à Québec, on dit que la ville est connectée et le reste, mais il y a quand même 20% de la population qui ne sont pas sur le web. Ah, quand même? Quand même. Ah, oui. Alors, en fait, donc il y a déjà ces deux Québec-là qui existent. Les grands principes éthiques, en fait, eux disent qu'il faut maximiser les bénéfices sur le plan du bien commun. Il faut éviter de réduire le plus possible les préjudices potentiels portés à la dignité, à la vie privée, à la vie démocratique. Il faut assurer une distribution équitable des bénéfices et des préjudices possibles entre les acteurs concernés. Et il faut s'assurer que les bénéfices attendus sont toujours supérieurs aux inconvénients, dont les coûts, par exemple. Si je détaille un peu plus sur le plan de la démocratique, on dit on dit que l'autorité publique doit répondre à des exigences de légitimité démocratique. Donc, l'idée un peu qu'il faut avoir des normes éthiques qui sont fiables, qui sont claires, qui sont définies pour que les citoyens et citoyennes puissent essentiellement se fier sur la mise en application de ces règles-là dans l'utilisation de leurs données. Parce que, évidemment, tout ce qui est fait par l'État est fait au nom des citoyens, citoyennes. Ouais. Alors, c'est quand même un peu comme on le disait, dans le fond, par rapport aux services de sécurité la semaine dernière, mais les citoyens doivent savoir ce qui se fait en leur nom ou doivent avoir l'assurance que ce qui se fait en leur nom respecte des principes éthiques de base. Alors, c'est ce qu'on dit un peu dans ce cadre-là. Évidemment, on parle aussi, justement, de soutien aux dimensions participatives, délibératives, représentatives, décisionnelles. Et on revient un peu à ce qu'on disait il y a quelques instants. Donc, l'idée, je cite, d'assurer l'inclusion du plus grand nombre de citoyens et de points de vue possibles et non une surreprésentation de la portion la plus branchée de la population. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas faire des systèmes qui vont servir pour 50, 60, 80 des gens et en oublier une partie. Faut trouver toujours comment les rattraper. On parle aussi, évidemment, de responsabilité. Donc, on essaie de définir un peu le préjudice, par exemple, un préjudice indu, risque indu de préjudice qui ne doit pas être infligé. On parle de mesures... C'est compliqué, là. C'est compliqué. On tombe dans le droit un peu aussi. Oui, les responsabilités, attends, là... Et eux font beaucoup aussi d'aller-retour avec les lois déjà existantes, en fait, avec les principes de droit qui pourrait s'appliquer au contexte numérique. Et c'est important de mentionner « pourrait » parce que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de grandes causes en lien avec le numérique. Il y en a qui sont en cours présentement, mais il n'y a pas encore une énorme jurisprudence. Donc ça, c'est le défi du droit dont on pourrait éventuellement reparler. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben là, j'essaie de figurer. Eux parlent en fait, par exemple, de mesures suffisantes et raisonnables qui doivent être prises afin de réduire le plus grand nombre possible de préjudices, des mises en garde sur les risques encourus par l'usage des données et des métadonnées. Ouais. Donc, en présence d'un risque connu, ben s'assurer qu'il y a des actions qui sont effectuées. On parle de proportionnalité des moyens par rapport aux fins, donc de pas par exemple faire une analyse excessivement large quand on aurait pu faire simplement une analyse par exemple d'une tranche d'éléments. On parle que lorsque des données sensibles entrent en jeu, ben on doit se limiter à des moyens qui sont strictement nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi. On parle d'applications relatives à la sécurité qui doivent toujours s'accompagner d'une réflexion sur les causes et les menaces entre autres éléments. Donc c'est toujours un peu une question de proportionnalité, une question de bon sens d'une certaine manière, une question de bonne gestion. Donc de dire ben quelles données j'ai réellement besoin d'utiliser, quels risques ça peut amener, et d'avoir réellement une réflexion avant de commencer à utiliser le jeu de données. C'est peut-être un peu le défi des données ouvertes même à la limite, parce qu'on dit toujours ben on pourrait ouvrir tel type de données, mais d'un autre côté il peut avoir une certaine incidence sur la vie privée dans certains cadres de données, même si les données sont anonymisées. Donc c'est le genre de réflexion qui doit être fait avant d'utiliser ces outils-là pour éviter justement par la suite qu'il y ait des enjeux légaux qui sont liés à ça, parce qu'il pourra en avoir, il va sûrement en avoir de toute façon, il y en a déjà. Ça va rebondir, oui, c'est ça, là. Bon. Et on tombe un peu dans les recommandations. Oui, ben ouais, allons-y, j'avais une autre question, mais c'est plus logique de parler des recommandations tout de suite. Alors, en fait, eux, c'est 10 constats qu'ils émettent essentiellement. On parle, par exemple, l'idée que quand on parle de ville intelligente, ça veut pas dire que c'est nécessairement une ville technologique. Alors, selon eux, ça veut pas dire donc qu'il faut promouvoir ou la ville intelligente qui équivaut à prioriser surtout les solutions technologiques à l'ensemble des problèmes. Donc, il faut regarder la situation et se demander, ben, est-ce que la technologie, est-ce que le numérique est nécessaire dans cette situation-là? Apporte réellement un bonus? Si c'est le cas, ben, ouais, on peut y aller. Ouais, faut pas numériser, c'est pas nécessaire. C'est pas numérique obligatoire, si on peut dire. Ouais. Donc, c'est ce principe-là de base au niveau sens, de la ville intelligente. Oui. Deuxième élément, ce qu'on dit, c'est que ça requiert une approche intégrée et adaptée pour le retour optimal des bénéfices dans les communautés. Donc, par exemple, ce qu'on dit, c'est qu'il faut définir des objectifs clairs, il faut planifier rigoureusement le déploiement des solutions numériques, favoriser la coordination et la collaboration d'un ensemble de municipalités pour éviter d'avoir, après ça, plein de systèmes qui se font de façon différente, qui sont pas compatibles les uns aux autres, et finalement d'avoir un plus grand risque aussi au niveau des bénéfices parce qu'on a mal évalué le projet et peut-être aussi parce qu'on a mal compris pourquoi on allait vers le numérique. Ouais. Parce que tu parlais de petites municipalités, par exemple, ben, on n'a pas toujours non plus l'expertise pour dire, ben, OK, moi, je devrais prendre du sans fil, de la fibre optique ou d'autres types de systèmes, je devrais utiliser telle application. Et il y a beaucoup d'éléments sur le marché, donc comment choisir? Ben, faut prendre le temps, justement, de bien choisir, même si, dans certains cas, on peut dire qu'il y a une certaine urgence, parfois, à rendre accessibles les plateformes, mais, faut pas le faire non plus au risque de dériver, peut-être, un peu. Ouais. Alors faut se donner le temps de réfléchir. Faut également. On n'a pas l'impression qu'effectivement on a le temps de ça, mais oui, c'est vrai que en même temps c'est bien important. On parle de définir les rapports entre le public et le privé aussi. L'idée d'expertise solide et indépendante qui doit être à l'intérieur des municipalités pour pas que les municipalités doivent dépendre de ressources qui viennent de l'externe pour assurer la légitimité de leur système à l'interne. Et ça c'est mais ça, j'ai effectivement une crise d'expertise. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix. On a l'impression que c'est... Même au niveau gouvernemental, en fait, il y a énormément d'agences qui travaillent, qui sont de l'externe, qui travaillent à l'interne. Donc, c'est une réalité qui est présente. Oui. Eux lèvent un drapeau. Ils disent, mais il y a peut-être un problème, là. Ouais. Alors, évidemment, c'est un peu ça, les principes éthiques. En fait, c'est pas un cadre de règles contraignantes qu'on va être obligé de respecter. C'est des drapeaux qu'on lève et qu'on devrait respecter. Oui, et des préoccupations auxquelles on devrait répondre. Oui. Ensuite, la balle, au bout du compte, est dans le camp des gouvernements, à savoir si ça deviendra, autre chose que des règles de conduite, que des propositions de conduite. L'hébergement de données, par exemple, aussi est traité. Donc, les questions de la propriété des données, contrôle de leur usage. Donc, on a l'impression que ça varie d'une municipalité à l'autre, et on demande aux municipalités, on suggère de dresser un inventaire de leur actif informatique, de doter d'un cadre de gestion des données, de s'assurer de comprendre le cadre d'hébergement des données aussi, pour savoir si ça respecte bien les normes et le reste. On dit également que le numérique devrait être davantage utilisé pour favoriser la participation citoyenne, bonifier la démocratie, que c'est une opportunité qui n'est pas nécessairement assez utilisée pour l'instant. Et qui devrait pourtant tellement l'être. Exactement. On parle des données et des technologies numériques qui peuvent offrir un soutien à la prise de décision, mais on dit également que si on veut que les élus ou les hauts fonctionnaires utilisent les données, utilisent le numérique pour favoriser la prise de décision, ben encore faut-il qu'ils soient compétents dans la gestion du numérique. Donc, qu'ils comprennent l'utilisation, puis qu'ils comprennent la nature des propositions et des informations qui leur sont données, qu'ils comprennent comment on en arrive à ces informations-là. Donc, il y a une littératie numérique qui existe chez les décideurs qui vont choisir d'intégrer le numérique. Est-ce qu'elle existe, cette littératie? Chez certains. Et c'est un peu sur le même principe que dans l'expertise. On parlait d'expertise à l'interne dans les services aussi, mais s'il n'y a pas d'expertise en lien avec le numérique, que ce soit chez les élus, que ce soit chez les fonctionnaires, eh bien, il y a un problème réel, parce que quand on va intégrer ces systèmes-là, ben ça sera pas nécessairement le degré de risque ne sera pas nécessairement moindre. Et puis là, il faut descendre dans la pyramide avec la formation et tout. Exactement. Mais c'est un changement culturel. Ouais. On parle évidemment aussi de la collecte, l'utilisation de la diffusion des données, l'intégration du numérique expose les municipalités à des risques juridiques. On en parlait tantôt. Alors, évidemment, il faudrait sensibiliser aussi aux risques juridiques. Ça, la Commission à l'éthique en sciences et technologies a d'ailleurs rendu publique ses propositions d'approche, d'analyse dans le rapport de 128 pages dont je parlais et dont je parle. Sinon, on parle aussi de la collecte et du traitement des données massives qui pose en de nouveaux termes la question du consentement. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Quelle partie des données qui nous concernent est propriété des gens comme nous, et propriété de la ville qui les reçoit, et propriété des usagers? Il y a quand même un certain flou autour de la propriété de la donnée qui persiste actuellement. Alors, encore là, c'est un drapeau. On dit, peut-être qu'il y a des préoccupations qu'il faudra avoir, peut-être qu'il y a des questions qu'il faudrait répondre en lien avec le consentement. Et je vais rapidement pour les deux derniers. On parle de l'intégration technologique et du fonctionnement en réseau qui entraîne des vulnérabilités. Donc, on parle de la sécurité informatique. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il y a des nouveaux types de risques qu'il faut ajouter, et que ces types de risques là peuvent amener aussi à d'autres types de préoccupations, parce qu'on parle d'intégrité des systèmes, mais aussi l'intégrité des personnes qui utilisent ces systèmes-là, et on l'en voit avec les leaks, comme on dit en anglais, je trouve pas le mot français, ironiquement, mais par exemple, qu'on parle de dignité humaine, de liberté, de droits fondamentaux, les failles informatiques où des photos privées peuvent ressortir et le reste, mais ça devient aussi un enjeu. Et enfin, il y a aussi les questions liées à la fracture numérique. On dit, et je cite du côté du rapport, qui sont largement ignorées pour l'instant. Alors donc, comment aller chercher ce pourcentage de gens qui ne sont pas connectés? Comment en revenir, comme tu disais, Caroline, à s'assurer que ça soit accessible pour tous et qu'on ne crée pas deux Québec? Ouais. Donc ça, c'est aussi une grande préoccupation, parce que éthiquement, c'est complètement irresponsable. On peut pas créer deux classes de citoyens volontairement. Ouais. En sachant que c'est pas tout le monde. Tout le monde embarque dans le même bateau, puis qu'on rame toutes dans la même direction. Exactement. Grosso modo. Raymond, ma question était concernant cette commission à l'éthique en sciences et technologies technologique du Québec, là, qui fait partie de la commission? Est-ce que c'est des gens du milieu, qui de tous les milieux, de tous horizons? Je veux pas te poser une colle, mais j'étais curieuse de... Mais je peux te donner un peu de cadre sur les auteurs du rapport. En fait, on a des... C'est un organisme... Ça semble être un organisme indépendant à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Et eux, dans le fond, pour préparer le rapport, on fait appel à des spécialistes autant à l'interne, donc de la commission, donc des conseillers en éthique, autant donc des chercheurs d'universités dans différentes spécialités, okay, de différentes universités, des philosophes, des légistes, et aussi des gens qui travaillent justement, qui œuvrent dans le domaine des technologies, donc qui ont été sollicités. Donc c'est une équipe, ouais, d'une dizaine de personnes environ qui a participé à l'élaboration du rapport. La commission elle-même est un organisme gouvernemental, mais qui semble être dotée d'une forme d'indépendance, là, évidemment, comme la plupart des commissions de ce genre-là. OK. Ben merci beaucoup. C'était très éclairant.